Audiomatique. Pour amorcer la transmission 411 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique de l'artiste anglais Martin Gore, qui est bien sûr le leader de la formation Depeche Mode. Nous entendions la pièce Mandrill, qui a été ici remixée par le Britannique Sam Barker. Cette version se retrouve sur l'album The Third Chimpanzee Remixed, qui comprend, vous l'aurez deviné, des versions remixées des pièces apparaissant sur le mini-album The Third Chimpanzee de Martin Gore, qui lui est paru en janvier 2021. Et maintenant, c'est au tour du duo français Trisomie 21 d'assurer la continuité à Audiomatic. One of the most dreadful events, there is no sin on earth so easy as to forget, enjoy something, desire to be, desire to know, camp number 21, 21 sound. Number 21, 21 Audiomatic, c'était la formation anglaise Curve et la chanson The Color Hurts qui se retrouve sur le mini-album Frozen, sorti en 1991. Précédemment à Curve, il s'agissait du groupe montréalais The Dears, de son deuxième album No Cities Left, lancé en 2003. Il nous interprétait la chanson Postcard from Purgatory. Et le duo français Trisomie 21, formé des frères Philippe et Hervé Lompré, débutait cette séquence musicale avec sa composition The Camp, qui a été remixée par le duo colombien Engele Phase. Cette version est parue sur le double album The Camp Black Label Remix, qui comprend 18 remixes différents de la chanson The Camp et 3 remixes de la chanson Hear Me Now. Les versions originales de ces deux chansons se retrouvent sur l'album Black Label de Trisomie 21, lancé en 2009. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe anglais Cocteau Twins. Yeah. Nous avions droit à Audiomatic au groupe britannique Lush qui nous offrait la chanson Last Night, qui est tirée de son quatrième album Love Life, paru en 1996. Tout juste avant, nous écoutions la formation new-yorkaise A Place to Bury Strangers du mini-album Hologram qui a été mis sur le marché en 2021. Nous vous avons présenté la pièce I Need You. Et pour commencer, c'était Cocteau Twins et la chanson Persephone de son troisième album Treasure, lancé en 1984. En conclusion de cette transmission 411 d'Audiomatique, nous avons décidé de terminer avec l'artiste et poétesse anglaise Anne Clark et sa pièce Virtuality qu'elle a composée en collaboration avec son comparse de toujours Andy Bell. La chanson Virtuality fait partie de son album To Love and Be Loved, lancé en 1995. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Anne Clark et la chanson Virtuality. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Of now, of night, of love, sex, dizzying into distant spiral of light, licked slowly by thick splashes of white, love, liquid life, liquid, a flickering screen to see you with, pheromone to sense you with, phoning to name you, with blinding bursts. Splitting scream of no longer being matter. All colors merging, no matter. Take me to the edge of time, of breath, of life, creating life, playing with death. Dissolve me there at the edge. Getting easier, getting harder, getting easier. makes it easier. Deep in me, to keep you close to me, to keep you deep in me. Getting harder, getting easier, getting harder, getting easier, getting harder, getting easier, getting harder, getting easier, getting harder, getting easier, getting harder, getting easier. Getting harder, getting easier, getting harder, getting easier, getting easier, getting harder, getting harder, getting easier, getting harder, getting harder, makes it easier, getting harder, getting harder, makes it easier to keep you close to me, keep you close to me, to keep you deep in me. Getting harder, getting harder, getting easier, getting harder.